font leur plein évidemment à la Louvière et à Liège. On vous propose de nombreux concerts gratuits. N'hésitez pas, des questions ou envie juste d'en savoir plus, restez bien branchés à l'écoute du 8-9 qui arrive sur Viva. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Le 8-9 commence maintenant avec Sarah Depadua. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 8-9 et ça n'est jamais arrivé de l'histoire du 8-9 je crois. Tout le monde était ainsi 10 secondes à l'avance. Vous êtes de bons élèves. Sauf vous. Moi je suis debout. Bah oui, ouais, mais bah ouais. Vos petits surnoms quand vous étiez à l'école, Sarah Viss, on vous appelait comment? Je n'en avais pas. Jean-Luc Faux. Moi c'était dehors. Le prof m'appelait dehors. Qu'est-ce qu'on pourrait donner Christophe Grandjean à Sarah Viss comme petit surnom? Soyez gentil. Hein. Sarah Viss, ça dit déjà tout, non? Mais on se moquait de Viss parfois au cours néerlandais. On vous appelait pas marteau, clou. Viss a été vicieuse plus tard. Oh, oh. Mais on l'a fait qu'une fois. Et c'est resté. Non, non, ça l'a fait que ça, c'est parce que c'est fondé, non? En troisième maternelle, Viss. Un petit nom pour vous, Jérôme de Warzé, un bonnet d'âne peut-être? Grumeau. Pourquoi? Bah, j'étais tout petit, on m'appelait Grumeau. Oh, mais c'est que j'en aurais pitié, moi. Mais vous pouvez. Oh, allez, la météo tout de suite. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Grumeau, c'est pas très gentil, ça, de Nicolas. Oh, bah non, c'est pour qu'il faut le fouetter pour qu'il se dissolve. Bon. Ça vous va, Jérôme, ça vous plaît? Rien compris. Bon. Allez, aujourd'hui, eh bien, après les pluies d'hier qui ont marqué la transition vers de l'air plus frais, on a un temps plutôt calme ce matin. C'est sec partout, on reverra des éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, il y aura un risque d'averse plutôt sur l'ouest du pays. Maxima pour aujourd'hui de 19 à 23 degrés. On est encore un petit peu au-dessus des valeurs de saison. Ce week-end, ce sera légèrement pluvieux sur l'ouest cette nuit et demain matin. Et puis dimanche, ce sera plutôt sur l'est et le sud qu'il y aura quelques averses. Écoutez Vivacité, les 8h. À la une de l'actualité ce matin, une première grosse mobilisation pour soutenir le personnel de Caterpillar. 5 à 10 000 personnes sont attendues dans les rues de Charleroi dans l'espoir de sauver une partie de l'activité. C'est vraiment un signal pour dire non à la fermeture et oui à l'emploi, lancé aussi vers les pouvoirs publics. Pour faire en sorte que demain et après-demain, il y ait encore un territoire avec des emplois dits industriels sur la région de Charleroi. Des ouvriers de Caterpillar Grenoble seront notamment dans le cortège en solidarité avec leurs camarades de Gosselies. Maggie de Bloch ne tient pas tout à fait parole. Il y aura bien plus de médecins à l'avenir, mais la répartition nord-sud sera inchangée. Comment expliquer les comportements racistes d'aujourd'hui? Peut-être en se souvenant du passé. Une exposition commence demain à Liège sur les os humains, quand des Noirs étaient exposés comme des curiosités. Hillary Clinton reprend sa campagne électorale. La candidate démocrate à la Maison-Blanche affirme que sa pneumonie l'a rapprochée des Américains. L'Europa League de football, une victoire pour Anderlecht, mais un partage seulement pour le Standard. Et puis les fêtes de Wallonie ce week-end, nous détaillerons le programme. La semaine de la mobilité démarre aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles. Partager la route, on s'y met tous, c'est le slogan de cette édition 2016. L'objectif, c'est de nous inviter à changer nos habitudes en matière de mobilité pour réduire les embouteillages. Par exemple, en se rendant au travail à vélo. Et si vous vous dites que le vélo, c'est trop fatigant, c'est que vous oubliez qu'il existe désormais des vélos électriques. On continue à pédaler, mais on est aidé par un petit moteur. Un vélo électrique de plus en plus prisé. Reportage à Liège de Bénédicte Allier. Jean-Michel Poisquet est le patron d'un magasin de vélos en région liégeoise. Il constate chez ses clients un engouement de plus en plus important pour le vélo électrique. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je vends des vélos. Au début, c'était vraiment anecdotique de vendre un vélo électrique, mais ces trois dernières années, on peut dire que tous les jours, on a des personnes qui poussent la porte pour, si pas acheter, au moins demander des renseignements. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Que ce soit pour les déplacements utilitaires du quotidien ou pour les loisirs, le vélo électrique séduit aussi les sportifs. On peut se dire, un vélo électrique, ce n'est pas sportif, mais pas du tout. C'est un peu comme si vous compariez le squash et le tennis. C'est deux sports de raquettes, mais c'est pas les mêmes sports. Donc on redécouvre complètement une autre facette du vélo. Le vélo électrique, c'est tous les avantages du vélo sans les inconvénients. Quand vous roulez et que vous avez une côte, bah, si vous êtes sur un vélo classique, votre cœur va commencer à pomper, ce n'est pas toujours bon. Donc le vélo électrique vous soulage de tout ça. Jeannine, 65 ans, est passée au vélo électrique il y a 2 ans et a d'emblée été conquise. Ah oui, ça, tout de suite. Même le médecin qui me soigne pour mon genou m'a dit que c'était la meilleure des solutions. Parce qu'on pédale, mais on ne force pas. Un confort qui a un coût. Jean-Michel Poisquet. Je ne pense pas que les prix ont vraiment diminué. Par contre, on a une technologie qui est tout à fait différente en termes d'autonomie, en termes de qualité de moteur, de gestion, au niveau de l'assistance. Maintenant, on a vraiment un produit qui est abouti. 2 000-2 500 euros, c'est aujourd'hui le prix estimé pour l'achat d'un bon vélo électrique. Et des problèmes de mobilité, il risque d'y en avoir ce matin dans la région de Charleroi. Oui, plusieurs chauffeurs d'ETEC ont prévu de ne pas prendre leur service. À cette heure, plus de la moitié des bus circulent normalement pour participer à la manifestation de soutien aux travailleurs de Caterpillar. Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans les rues de la ville. Des travailleurs de l'usine de Gosselies, mais aussi des sous-traitants de Caterpillar, des délégations d'autres entreprises du nord comme du sud du pays. Et puis des représentants du site français de Grenoble. Cette usine va récupérer une partie de la production de Gosselies, mais le personnel reste néanmoins solidaire avec les collègues Carolo. Vincent Pestiot, le secrétaire régional de la FGT. Il est clair que 5 à 10 000 personnes sont clairement attendues dans les rues de Charleroi. Nous allons aussi avoir des délégations de Grenoble, tout simplement parce que nous sommes face à une direction de Caterpillar qui a pris une décision financière qui n'a rien à voir avec un plan industriel. Et donc, du coup, Grenoble est lui-même aussi impacté et va être aussi, dans les prochaines années ou dans les prochains mois, peut-être dans l'œil du cyclone, d'une décision financière, purement financière de Caterpillar Amérique. Donc ici, c'est vraiment un signal pour dire non à la fermeture et oui à l'emploi, lancé aussi vers les pouvoirs publics, pour faire en sorte que demain et après-demain, il y ait encore un territoire avec des emplois dits industriels sur la région de Charleroi. Vincent Pestiot de la FGTB au micro de Grégory Faube. Le cortège partira de la gare de Charleroi-Sud, direction la place du Manège. Début du cortège à 10h. Malheureusement, il n'y a pas que Caterpillar. Les annonces de licenciements collectifs se multiplient depuis plusieurs semaines. AXA, PV Assurance, IBM, etc. Plus de 4000 emplois devraient être supprimés. Une loi des séries qui interpelle et qui peut, en partie, s'expliquer par la communication. C'est l'interprétation de l'avocat spécialiste en droit du travail, Olivier Wery. Il n'est pas improbable qu'après le séisme médiatique et humain évidemment, mais médiatique aussi, qu'a été l'annonce de licenciement collectif chez Caterpillar, d'autres qui sont peut-être plus modestes se disent mais on va profiter peut-être de cette période où une restructuration qui sera plus petite en quantité va peut-être moins attirer l'attention des médias. Donc il y a une accélération du tempo, mais, et c'est là où évidemment ça reste lié à l'économie, ce sont tous des dossiers qui étaient déjà quelque part en préparation des licenciements collectifs et ceux-ci seraient tombés très certainement dans les semaines, voire dans les mois à venir. L'avocat en droit du travail Olivier Wery, interrogé par Odile Lehert. Il est 8h05, l'incident n'est pas clos, c'est ce que dit Gwendoline Rutten, la présidente de l'Open VLD, après le dérapage d'un député de son parti. Retourne au Maroc si tu n'es pas contente, a lancé Luc Van Biesen à sa collègue du SPA, Myriam Kittir, hier au cours d'un débat à la Chambre sur Caterpillar. De nombreux députés se sont offusqués de cette attaque à caractère raciste. L'incident n'est pas clos, estime donc la présidente de l'Open VLD. Luc Van Biesen, dit-elle, doit en discuter avec la collègue qui l'a insulté. Et pour aider M. Van Biesen, on peut peut-être lui conseiller d'aller visiter une exposition qui s'ouvre demain soir à Liège. Elle s'intitule « Zoo humain » et elle nous rappelle qu'après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, des hommes et des femmes ont été importés en Europe pour être exposés comme des curiosités exotiques, parfois derrière des grilles, comme des animaux. À l'Expo universelle de 1958, à Bruxelles, par exemple, il y avait un village congolais et des visiteurs jetaient des bananes. C'est le joueur de foot français Lilian Thuram qui ouvrira l'expo Zoo humain demain soir à Liège. Le racisme, il connaît bien, il en a été victime en tant que noir. Pour lui, cette exposition doit nous amener à réfléchir sur des comportements déplacés qui ont encore cours aujourd'hui. C'est ce qu'il a expliqué ce matin sur Vivacité Liège. Je pense qu'il faut que nous nous questionnons. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'en règle générale, nous ne nous questionnons pas sur la société dans laquelle nous vivons. Le rapport qu'on peut avoir entre nous, le rapport homme-femme, le rapport entre les personnes hétérosexuelles et homosexuelles, les personnes de couleurs différentes. Et nous devons nous questionner sur cela, parce qu'encore une fois, il y a l'héritage du passé. Les eaux humains ont installé de façon très durable, malheureusement, la hiérarchie, la domination des personnes de couleur blanche sur les personnes de couleur non blanche. Le racisme, c'est pas quelque chose de naturel. C'est avant tout une construction politique. Mais encore une fois, très souvent, on n'a pas conscience de ça. Lilian Thuram, interrogée par François Bréban. L'expo Zoo Humain s'ouvre demain soir à Liège à la Cité Miroir. Maggie de Bloch mange sa parole. La clé de répartition des numéros Inami ne sera pas modifiée. Les numéros Inami, ce sont ces sésames qui permettent aux médecins d'exercer leur profession à la fin de leurs études. Et la clé de répartition, c'est la proportion de numéros Inami pour les médecins flamands et pour les médecins francophones. Aujourd'hui, c'est 60% pour les flamands, 40% pour les francophones. Et demain, rien ne changera, et c'est là que Maggie de Bloch ne tient pas sa promesse, Lionel de Neubourg. Oui, écoutez ce qu'elle disait hier matin, avant de discuter avec ses collègues ministres, Maggie de Bloch n'avait aucun doute sur cette clé de répartition. C'était une clé vraiment politique pendant des années, et il n'y a pas de raison de tenir ça quand on a une méthode scientifique qui calcule l'autre nécessité pour avoir assez de médecins, assez de dentistes, aussi en Wallonie, mais aussi en Flandre dans les années à venir. Les experts plaidaient pour une clé de répartition un peu plus favorable pour les francophones, en leur octroyant 43,5%. Le fédéral a tranché, on garde la même clé, 60-40, mais tout de même avec un peu plus de médecins dès 2022, un peu plus en Wallonie et à Bruxelles, une quarantaine de médecins en plus chaque année, et un peu plus en Flandre également. Et d'ici 2022, Lionel, que vont devenir les étudiants en médecine ou en dentisterie ? Pour ceux qui se terminent cette année, pas de souci, ils auront leur numéro Inami, c'est promis. Par contre, tous les autres, là, c'est plus compliqué. Je ne vais pas m'engager pour les 7 prochaines années, c'est ce qu'a dit la ministre fédérale de la Santé. C'est un peu la carotte et le bâton, puisque Maggie de Bloch exige toujours un examen d'entrée. Et là, c'est la fédération Wallonie-Bruxelles qui a la main. Merci Lionel de Neubourg. Hillary Clinton de retour dans la course à la Maison-Blanche. La candidate démocrate tenait un meeting en Caroline du Nord hier soir après une pause dans sa campagne. Dimanche, vous vous en souvenez, après les cérémonies du 11 septembre, Hillary Clinton avait été victime d'un malaise et elle avait ensuite tardivement révélé qu'elle était atteinte d'une pneumonie. Un manque de transparence et un problème de santé qu'Hillary Clinton tente de corriger en retournant la situation à son avantage. Et elle explique aujourd'hui que cette épreuve l'a rapprochée des Américains. I am running for everyone. Je suis candidate pour tous ceux qui travaillent dur pour soutenir leur famille, pour tous ceux qui sont tombés à terre mais qui se relèvent. Je l'avoue, je ne serai jamais le showman qui est mon opposant et cela ne me dérange pas. Mais je serai toujours là pour vous et vos familles. Et je vais vous dire autre chose. Les gens m'accusent de tout et de rien, vous l'avez sans doute entendu, mais personne ne m'a jamais accusé de renoncer. Et je n'abandonnerai jamais, je ne fuirai jamais, quelles que soient les difficultés. Je demande aux Américains de me tenir pour responsable de mes idées et de faire la même chose avec mon opposant. Hillary Clinton hier soir en Caroline du Nord. Quel futur pour l'Union européenne après le Brexit ? C'est pour répondre à cette question existentielle que les chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent aujourd'hui à Bratislava en Slovaquie. Une rencontre informelle à 27 sans le Royaume-Uni. Le 8-9 Sport, une seule victoire belge hier soir en Europa League. Oui, 4 équipes belges étaient engagées. Finalement, c'est Anderlecht qui s'en sort le mieux, Christophe Durand. Oui, les Mauves vont gagner 3-1 à domicile contre Kabale. Un succès facile face à un adversaire de faible qualité. Des buts de Theodor Tchik, de Kapel et un autobut des visiteurs. Deuxième victoire consécutive des Bruxellois cette saison. C'est une première cette saison. Le défenseur anderlechtois Uros Spajic est au micro de Manuel Jousse. On est dans une bonne dynamique après le match contre Charleroi. On savait que ça ne va être pas facile. On a joué contre une équipe qui est très solide, bien en place, qui a joué système 3-5-2, je pense. C'était pas facile de manœuvrer, d'attaquer tout le temps. On était très ouverts tout le temps. On a voulu marquer, on a voulu gagner. Après, c'est payé. Voilà, je suis très content qu'on a réussi de gagner 2 victoires. Maintenant, il faut oublier tout ça et il faut bien finir la semaine contre Genk. Et grâce à cette victoire, Anderlecht est en tête de son groupe puisque Saint-Etienne et Mayence ont fait match nul, un but partout. Et un partout, c'est également le score du match entre le Standard et le Celta Vigo, Iarrasclessin. Oui, le Standard qui a été accroché, le Standard qui avait pourtant mené au score rapidement par Dosivi, mais une erreur de Gillet a coûté 2 points au Standard Men. Les Liégeois sont deuxièmes de leur groupe, puisque l'Ajax a gagné 1-2 au Panathinaikos. Les autres résultats belges, la Gantoise a partagé un partout à Braga, et Genk a été battu 3-2 au Rapide de Vienne. En tennis, la Belgique entame aujourd'hui à Ostende son barrage du groupe mondial de la Coupe Davis contre le Brésil. 2 matchs sont au programme aujourd'hui. Le premier opposera à 14h David Goffin à Thiago Monteiro, 101e joueur à l'ATP. Le deuxième simple opposera dans la foulée Steve Darcy au numéro 1 brésilien Thomas Bellucci aux alentours de 16h. Aux Jeux paralympiques de Rio, 4 chances de médaille pour la Belgique. Aujourd'hui est l'une de nos plus grandes chances de 6e médaille. C'est Joachim Gérard en tennis en fauteuil. Joachim Gérard qui défiera le français Stéphane Houdet pour la médaille de bronze. C'est une rencontre à suivre dès 17h en direct sur internet rtbf.be/ovio. Les fêtes de Wallonie, on entre dans le vif du sujet aujourd'hui à Namur. Oui, après les premiers concerts hier soir, les fiestes vont aller crescendo dès cet après-midi. Péquet, folklore et des milliers de personnes attendues jusqu'à lundi soir. Le menu est copieux et ça commence par de la musique, Laurence Laine. Libia Bouquet tout d'abord, hymne namurois incontournable. Il y aura aussi de nombreux concerts. Étienne de Thiers du comité des quartiers. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vrai que c'est 12 quartiers, 12 ambiances et à peu près 300 concerts sur les 4 jours des Wallonies. Aux manettes, le comité central de Wallonie, créé par François Beauvais, le fondateur des fêtes. Claude Wilmar est le président. Nous souhaitons que ce soit une fête de tradition. On sait bien que dans nos cultures, faire la fête, c'est souvent boire et manger. Pour boire justement le péquet, avec déjà cet après-midi à 16h la traditionnelle route du péquet. Avec aussi des bars à eau pendant 4 jours. L'aspect prévention, alcool au volant visera notamment les jeunes. Au rayon animation, les jeux à l'ancienne, samedi place Saint-Aubin, le combat des échasseurs, dimanche à 16h30. Mais pas que ça. Entre autres, le cortège Blanche de Namur. Blanche de Namur qui était reine de Suède, Suède invitée d'honneur. Nouveauté aussi en ligne, l'application des fêtes qui informe et qui localise les personnes connectées. Exemple, une place est saturée de monde, il ne faut pas s'y rendre. Nous pouvons impulser le message sur le smartphone. Côté sécurité, le niveau de l'alerte, toujours au niveau 3. Les effectifs policiers seront renforcés, avec aussi la présence de militaires ce week-end à Namur. Et les fêtes de la Wallonie, ce n'est pas qu'à Namur, évidemment. C'est à La Louvière aussi demain soir, concert de Suarez et de iPhone iPhone, notamment. Et puis à Liège, il y aura Alice Underhoof et Overphonic. Overphonic, demain. Justement, ce sera notre invité tout à l'heure, Alex Calier, le chanteur du groupe Overphonic, qu'on connaît avec ça, notamment Badaboum. Les fêtes de Wallonie, partout en Wallonie, qui parle wallon ici autour de la table. Jean-Luc. Non, bah, je sais dire, on est sénin. Et des Jivujinpu. À Liège, il y a des Jivujinpu. Merci de votre intervention. 8h15, allez, c'est parti pour un nouveau cactus. Avec Jérôme de Warzé. Jérôme, vous revenez sur la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Blocq, a affirmé jeudi soir que tous les étudiants actuellement en dernière année de médecine auront bien leur numéro INAMI à la fin de l'année. Parfaitement, Benjamin, quelle voix sonore. Pour les autres, en revanche, l'incertitude règne et puis la clé de répartition a été fixée à 60 pour les Flamands contre 40 pour les francophones, Madame De Blocq. Il y a 60-40, je sais, c'est injuste, mais il faut voir la réalité économique et démographique en face de front du trou des yeux. Oui, ben, je suis ravi de vous entendre dire que c'était injuste. Hein. Ah, yeah, hein, si impartial on doit être, normalement ça devrait être 90. Hein. Oui. Quand on voit comment on allait de cette région sinistrée qu'est la Wallonie, vous venez têter un autre pays, après vous voulez encore jouer avec nos mamelles. Non, mon frère, Madame De Blocq. Mon frère. Ça y est, le flon stallerait. Ça n'est plus qu'un panda assisté à attendre qu'on lui jette des bambous pousses. Mais je suis d'accord qu'effectivement, 90, on peut discuter. Oui, ben ça, il me semble quand même un petit peu... Je pense qu'on peut aller jusqu'à 93,7, mais... voire 94,6. C'est quand même normal qu'on a besoin de plus de médecins en Flandre, hein, puisque nous, on travaille tous comme des malades, alors que vous êtes juste tout le temps malade. Oui, bon, Madame De Blocq, l'examen d'entrée en médecine, alors, oui ou non ?

sur Vivacité et sur la Une. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'armes du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. Excusez-moi, oui ? La Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a ? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui ? Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Ce message s'adresse à vous, qui travaillez durement pour votre argent. Ou disposer d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça, c'est quoi, ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, là, c'est l'écran de la caméra TopView. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah, activer le frein à main électrique. Et celui-là, là, c'est... Bah, ça, c'est mon bouton de manchette. Sans ce bouton de manchette. Ah bah, bien sûr, oui. Évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. C'est vendredi, c'est super. Jean-Luc Fonck est là pour sa chanson. Jean-Luc, vous avez dû placer quatre mots pour oui. Yvette, passion, toute votre vie finalement. Oui. Il y a Jean-Michel, condensateur. Condensateur, c'est ma vie. C'était pas écrit. Il y a Raoul, cavalcade. Raoul, et pour Blaise, papillon, quatre mots, le titre de votre. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Déconnect. Donc, Déconnect, ce sont les vantards, les gros coups. J'ai fait des recherches. Il y a les pics de la Mirandole. Oui. Mm-hmm. Quand tu dis quelqu'un, c'est un pic de la Mirandole, c'est un Déconnect. Donc, c'est une chanson qui parle des Déconnects. Ça ravisse avant 9h. On va où ? Ce ne sera pas super drôle, mais cette nouvelle expo à Liège, tu vois, ça fait rire, sur les os humains. Ouh, alors, squelette, vous verrez ce que c'est. Christophe Grandjean est là, Jérôme de Warzé aussi, Pascal Michel pour le Zap TV avec le nouvel invité. On connaît un des nouveaux invités de 69 minutes sans chichi. Oui, 69 minutes sans chichi qui fait son retour la semaine prochaine avec Joël Scorils sur la 2. Alors, on est habitué aux invités belgo-belges, vous savez. D'ailleurs, la première la semaine prochaine, ce sera avec Virginie Efira. Oui, mais quel invité ? Voilà, si vous aimez Virginie Efira, en effet. C'est un du moment, ouais. Elle n'est pas que belge. Tout le monde aime Virginie Efira. Oui. Vous pouvez l'aimer si vous le souhaitez. Mais donc, écoutez. Elle vous a dit non, c'est ça ? Oui, c'est ça, il a eu un raté. Elle nous a tous dit non. J'ai même pas eu l'occasion de lui demander. Non, mais son invité à Joël Scorils, ce sera Michel Polnareff, qui débarquera sur le plateau de 69 minutes sans chichi le 17 novembre. Alors, on peut être étonné de Michel Polnareff parce qu'il ne fait plus beaucoup de télé. Il était hier sur le plateau de Cyril Hanouna pour Touche pas à mon poste. Il avait fait qui est aussi, c'était au mois de juin ou au mois de mai dernier pour sa tournée. Et donc, il fera un passage chez nous en Belgique pour sa seule télé belge. Ce sera donc dans 69 minutes sans chichi. Et ce sera le 17 novembre. Il n'est pas belge, Polnareff. Ah non, hein. Non, il est étranger. Mais il enregistre en Belgique. Oui, c'est vrai, à Bruxelles. Vous avez envie de voir Michel Polnareff? Ah oui, ouais, ça va être drôle, parce que lui, il a beaucoup de dérision, beaucoup d'autodérision aussi. Ouais, ouais. Pas facile pour Joël Scorils aussi, pour le tenir, Jérôme de Warzé, non? Non, il va falloir, effectivement, parce que lui, il va pas en rester là s'il la voit allongée sur le divan. Hein. Elle va se rasseoir un petit peu, non? Mais lui ne va pas se rasseoir. Mais il n'a plus les capacités physiques pour Je l'ai vu en concert il y a deux mois, j'aime autant vous dire que ça envoie. Va-t-il enlever les lunettes? On a envie de voir ses yeux aussi. Non. Il n'a pas d'yeux, il n'y a rien derrière. Joël va lui faire enlever revient les lunettes. Juste après ça, il est 8h27.

il la sort tous les jours. Pour aller au travail, et puis chaque fois que je dois aller dans un magasin, chaque fois que je dois faire une distance qui fait moins de 3-4 km où je ne suis pas avec mes enfants, je suis sur ma roue. Pour Manuel Bécor, la monoroue ne remplace pas tous les transports, mais elle se combine parfaitement avec d'autres pour se déplacer en ville. C'est une mobilité qui s'emporte sous le bras, qui peut s'emporter partout, qui vous transporte de chez vous à votre destination, soit durant tout le parcours, soit en le combinant avec d'autres moyens de transport, comme par exemple les transports en commun, ou votre propre voiture, pourquoi pas, et de réaliser les derniers kilomètres avec la monoroue. Côté législation, les règles sont les mêmes que pour les cyclistes, et théoriquement, la vitesse de l'engin ne doit pas dépasser les 18 km/h. Mais dans les faits, cette vitesse tourne plutôt autour des 25 km/h. Et au niveau prix, comptez environ 1000 euros pour un engin performant avec suffisamment d'autonomie. Et la semaine de la mobilité démarre aujourd'hui. Des monoroues, vous en croiserez peut-être justement dimanche lors de la journée sans voiture. Attention tout de même, sachez que plus de 12 000 dérogations ont été accordées pour ces voitures. Les deux communes les plus sollicitées en la matière sont Bruxelles-Ville et Saint-Gilles. Et toujours dimanche, la Mobilimix Party et ses DJ qui avaient rassemblé quelques 10 000 personnes l'an dernier dans le tunnel Porte de Namur, eh bien elle aura lieu cette fois sous chapiteau, ce sera place Poulart. Direction Saint-Gilles où le musée Horta, ce superbe immeuble Art Nouveau, vient de s'agrandir. Il s'est offert le bâtiment voisin de la rue américaine, de quoi donner un peu d'air aux visiteurs puisque l'espace ne pouvait jusqu'ici accueillir que 45 personnes en même temps. Cette extension a été officiellement inaugurée hier, un vrai atout selon le bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Piquet. Cette extension, c'est un atout qui devrait permettre de faire mieux connaître encore le musée Horta et l'Art Nouveau à Bruxelles, parce qu'il faut savoir que l'Art Nouveau apparaît comme une des principales signatures de Bruxelles. C'est aussi l'occasion, par exemple, de faire des visites d'école dans la salle d'exposition où on pourra alors donner plus d'explications sur ce qu'était l'Art Nouveau, sur ce qu'il est, sur la démarche des architectes, etc. On remarque que quand les touristes notamment, mais aussi parfois les Belges, sont mis au courant de ce qui existe dans nos quartiers, dans l'ensemble des communes, eh bien ça suscite un grand engouement. Et donc ce qu'on veut dire, c'est que Bruxelles, c'est plus que ce qu'on connaît généralement de Bruxelles, c'est tout ce qui se trouve dans beaucoup de communes, dont Saint-Gilles. Une interview d'Anne-Elisabeth Achiri, et cette extension permettra d'accueillir deux expositions temporaires supplémentaires chaque année. L'ouverture au public, elle est prévue pour le 21 octobre. Et puis sur BX1, l'invité du jour sera Céline Frémaux, la ministre bruxelloise CDH de l'Environnement, qui reviendra notamment sur la polémique de l'eau. Faudra-t-il, oui ou non, augmenter le prix à Bruxelles? Eh bien la réponse en télé vers 12h45. Un anniversaire aussi ce week-end, c'est celui d'un théâtre pas tout à fait comme les autres. Le Théâtre de Poche fête ses 50 ans. Un demi-siècle au cœur du Bois de la Cambre. C'est en 1966 que Roger Domani et Roland Mahauden ont ouvert ce lieu de création qui permet aussi de découvrir des auteurs d'aujourd'hui. Mais pourquoi justement cette installation au milieu d'un bois? La réponse d'un des deux créateurs est plutôt surprenante. Mais d'abord, je suis né au Bois de la Cambre. Je suis né au-dessus du bistrot qui se trouve à côté du théâtre actuellement. Et à l'arrière de cette taverne, il y avait une salle de pétanque. Moi, j'ai rencontré Roger Domani en Afrique, dans un avion. Nous avons travaillé beaucoup ensemble là-bas, en Afrique. J'ai toujours entendu Roger me dire qu'il souhaitait recréer le théâtre de Poche qui avait disparu. Il était chaussée d'Ixelles d'antan, il avait disparu pour laisser place à une galerie marchande. Et voilà, et au retour, je lui ai dit, tiens, mais au fond, ma mère, elle est patronne de ce bistrot. Pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas cette salle de pétanque en salle de théâtre? Et en décembre 66, on ouvrait le théâtre de Poche au Bois de la Cambre. Et c'était évidemment un risque gigantesque. Il n'y avait pas d'éclairage dans le Bois de la Cambre. Il était tout noir dans cet endroit. C'était considéré par les gens comme un endroit difficile d'accès, etc. Enfin, donc c'était vraiment un enjeu incroyable. Bon, il a fallu quelques années avant de ramener le public vers cet endroit. Roland Mahauden interrogé par Nicole Debar. Et puis en football, c'est une bonne entrée en matière pour Anderlecht en Europa League. Les Mauves ont battu les Azeris de Kabala 3-1 hier soir. Le secteur offensif anderlechtois a donc bien fonctionné, mais la défense, elle, a donc à nouveau fauté, comme l'explique le gardien Davy Roof. C'est Neuting, en fait, qui a commis l'erreur qui a amené l'égalisation. Des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Les attaquants aussi, ils font des erreurs, mais quand il y a des erreurs en défense ou chez moi, c'est presque toujours but. On doit essayer de ne pas faire des erreurs, mais ça arrive. Par contre, devant, on voit que votre richesse offensive peut vous sauver. Hein, avec l'apport de Stanchou, c'est important. Ouais, si on marque chaque match trois fois, je pense qu'on va gagner beaucoup de matchs. Mais en attaque, on a beaucoup de bons joueurs et beaucoup de concurrence aussi. C'est juste bon pour l'équipe. Davy Rouf avec Manu Jousse. Belle journée. À 9h, c'est vous qui le dites avec vous, Benjamin Maréchal. Oui, hier, l'avocat de Bernard Westphal a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre à propos de l'affaire. Eh bien, vous nous direz tout à l'heure si ce jury peut être neutre ou pas. Ensuite, hier, en plein Parlement, un député VLD aurait dit à l'ASP à Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Il nie, mais à des témoins, elle affirme que c'est vrai, et à des témoins. Comment dépatouiller tout ça? Et puis, en 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job. En 15 jours, 4000 jobs perdus, Caterpillar, MS Mode, Douekbert. Mais qu'est-ce qui se passe? Zoé Boss, le standard est ouvert. Dernier jour de la semaine et le numéro reste le même, le 070-233-466 ou le 3063 50 cents par message. C'est vous qui le dites, c'est aussi sur Facebook. Sur notre page, vous trouverez les trois sujets de cette émission. Commentez, likez. Comment ça roule à 8h37? On voit ça avec Serge, notre motard Europe Assistance. Rebonjour Serge. Rebonjour, écoutez, il ne se passe rien, bon sens, j'ai pas d'accident, pas de véhicule en panne, on va pas s'en plaindre. Une circulation qui n'est pas excessivement dense, hein, comme souvent le vendredi. J'en profite pour vous rappeler les endroits à éviter, notamment le rond-point Louise. Malgré la réouverture du tunnel Stéphanie, ça reste encore assez difficile de passer par ce rond-point, surtout l'après-midi. Le boulevard de la Volue avec la fermeture du tunnel de la Volue. Et alors, pour terminer, je vous rappelle une dernière fois, dimanche, sans voiture à Bruxelles. Et on respectera malgré tout les codes de la route et les règles de sécurité. Merci Serge, rendez-vous tout à l'heure à partir de 15h dans l'aller-retour bruxellois avec Marc Vernon. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. En télé sur la Une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT sur la Une. Voir et revoir rtbf.be/ovio. Leçon numéro 9 du Kamasutra. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud et investir quand le prix du mazout est avantageux. Maintenant donc, une décision intelligente qui le sera encore plus si vous choisissez d'investir dans une chaudière super économe. Le mazout, c'est la chaleur idéale. Car investir aujourd'hui dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter demain d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur informazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage. 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Le 8-9. 8h40 et toujours pas mal de monde le vendredi. Jean-Luc Fonck est là avec sa chanson. Grâce à vous, grâce à vos mots, Jean-Luc, vous avez dû placer Passion pour Yvette, oui. Condensateur pour, oui, Jean-Michel Latournée, Cavalcade pour, oui, Raoul Derve et Papillon pour Blaise de Liège. Papillon, et c'est une chanson qui s'appelle Déconnec, mm-hmm, et qui parle donc de Déconnec. Ça va parler bruxellois? Non, Déconnec, c'est français, hein, c'est parisien. C'est Frenchy, bien sûr. Et Déconnec. Sarah Viss, vous nous emmenez du côté de Liège avant, oui, 9h. On va voir une nouvelle expo sur les os humains. Donc, alors, c'est pas le squelette, je peux vous le dire, c'est les os quand on exposait les hommes, les femmes, les enfants, comme dans des os. Z-O-O. Voilà. Z-O-O. Avec des animaux, alors. Ah, les os. Donc des squelettes comme... d'animaux. Non, ça peut pas être des squelettes, voilà. Vous allez voir. Je vous expliquerai. Les autres, il faudra déjà 6 minutes pour comprendre le principe. Alors, vous n'en aurez que 4, ça. Défi tout à l'heure. Pas mal, un week-end pas mal festif aussi. Dès ce soir, samedi et dimanche, ce sont les fêtes de Wallonie. Partout en Wallonie, vous le savez, on a du côté de la Louvière pas mal de concerts gratuits avec Suarez et Henri PFR. À Liège, ça démarre ce soir, place Saint-Lambert, avec une soirée plutôt électro, pas mal de DJ. On a iPhone, on en a. Il y a Isola, il y a aussi de Magicienne, c'est ça, Magicienne. Fiesta donc ce soir à partir de 22h pour de Magiciennes notamment, toutes les infos sur le net bien sûr. Et puis le lendemain, samedi, demain, soirée très très belge avec Hooverphonic qui chante ça notamment. Badaboum, non, non. T'es tombé sur un salaud. Je vais le faire vous-même. Patatra et as. Une chanson qui reste bien dans la tête et par téléphone, on a le chanteur, c'est Alex Calier qui est là. Bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue dans le 8-9 ce matin. Alors vous étiez passé déjà milieu de l'été ou début de l'été, c'était fin mai, début juin pour parler de votre nouvel album. D'abord, comment s'est passé l'été ? Ah, c'était génial. Je suis parti en vacances pendant 3 semaines et après on a joué beaucoup de festivals, alors c'était super, oui. Et votre meilleur souvenir de l'été, ce serait quoi, Alex Calier ? C'est une bonne question. Je crois qu'on a joué à Stick, et c'est vraiment in the middle of nowhere. On vous perd à l'escalier au niveau téléphone, j'espère que ça va se rétablir. Vous serez donc sur la scène Place Saint-Lambert, samedi soir à Liège, plus ou moins aux alentours de 23h. On annonce un temps variable, de la pluie. Est-ce qu'on adapte alors le show quand il pleut ? Bah, notre show est quand même un peu mélancolique, alors... Vaut mieux qu'il pleuve. Avec la... Non, c'est pas vrai. On va jouer beaucoup de tubes. C'est vraiment un best-of qu'on joue. Et pour nous, c'est vraiment. Quand on joue des festivals, on a la chance. On a de la chance qu'on a une carrière de 20 ans avec presque, je crois, 20 tubes. Alors, on peut quand même jouer un show d'une heure et demie. Où tout le monde connaisse chaque chanson, et ça c'est quand même, c'est bien quand il y a des fêtes. Je suis très curieux quelle sorte de péquet on va voir, parce que ça, la dernière fois qu'on a joué la fête de Wallonie, c'était à Namur, on a goûté le couille de singe. C'est très sucré quand même. Et ça goûte quoi alors, Alex Calier, ça goûte quoi les couilles de singe? Ah, un peu de violette, quoi, un mm-hmm. peu comme, ouais. Comme il y a des jujubes, quoi, très typiquement, qui ont un peu le même goût. Mais c'est très sucré, j'aime bien, j'aime surtout le péquet original, sans goût additif, quoi. Vous serez là, à l'escalier, samedi soir, sur la scène Place Saint-Lambert, avec votre groupe Hooverphonic. Ouais. Avant vous, il y a le Grand Georges, et puis... Alice on the Roof, aussi juste avant vous, qui vient de The Voice. Alice on the Roof, elle a été révélée dans The Voice. Et vous, il y a une histoire aussi, Alex Calier, avec The Voice. Vous avez été coach pour les deux premières saisons, les deux seules saisons de The Voice Van Vlaanderen. Alors pourquoi deux saisons au nord du pays, alors qu'il y en a 6 bientôt chez nous ? Non, j'ai fait 2 saisons, mais j'ai fait déjà 4, je crois. Mais moi, j'ai arrêté parce que j'avais... au travail avec Hooverphonic, il y avait trop de trucs à faire, alors j'ai fait les 2 premiers. Mais il y a après c'était Ben Van Looy qui a pris ma place, et maintenant je crois qu'ils sont en train de faire une 5e saison. Et c'est vrai, on a joué avec Alice on the Roof sur Taratata il y a quelques mois. On a fait une version de Mère Battue ensemble, et c'était très chouette. J'aime bien ce qu'elle fait, c'est un talent. Alors, vous avez un agenda overchargé, on l'a entendu, mais si on vous le proposait côté francophone, vous diriez oui pour The Voice ? Oui, ça c'est quand même c'est un challenge, parce que c'est en français, alors et mon français c'est pas mal, mais quand même c'est pas facile de temps en temps de t'exprimer quand si ça parle des émotions et tout ça. Et pour moi, The Voice, c'est vraiment des émotions. Mais alors s'il me demande, je vais Je ne vais pas dire non tout de suite, je vais y penser. Réfléchir, voilà, le message est passé, trois petits points. Vous avez un handicap, vous chantez juste. Hein. Dimanche, fête de Wallonie, place à Lambert, avec la journée des enfants. Il y aura notamment Chantal Goya. Alex Cali, à vous de choisir entre ces deux chansons. Attention, la première. Il n'y a pas eu beaucoup de succès en Flandre, à mon avis. Et la deuxième chanson, Bécassine. Cornélien. Alex Cali, vous êtes toujours là? Oui, oui. Vous choisissez entre quelle chanson? Voilà. Aucune, c'est pas votre truc. Le premier. Le lapin. Culte. Elle a gagné The Voice. C'est agressif. Bientôt coach, peut-être. Vous écoutiez quoi quand vous étiez petit, Alex Cali, comme musique? Ah, quand j'étais petit, j'aimais bien Imagination. Illusion, ça c'était vraiment le premier 45 que j'ai acheté, c'est Illusion d'Imagination. Alors c'était très électro quand j'étais petit. Et après j'ai beaucoup écouté au Shadow et des trucs comme ça parce que mon père aimait ça. Et The Beatles, évidemment. The Beatles, qui c'était The Beatles, ouais, qui c'est qui les Beatles. Merci Alex Cali d'être passé ce matin, on vous embrasse et bon concert demain, donc Best of Homophonique, c'est que le meilleur du groupe. Bonne journée, à demain. Avec plaisir. Place Saint-Lambert à Liège, tout le programme sur internet avec la grande boum aussi, Ouf TV, les copains d'Ouf TV qui vous donnent rendez-vous avec pas mal d'animations gratuites. Place Saint-Lambert, rendez-vous sur le net pour toutes les infos. Fête de Wallonie aussi à la Louvière avec notamment Suarez et Henri PFR. On reste dans la musique juste après la pause avec la chanson de Jean-Luc Fonck. À tout de suite. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. À la recherche d'une voiture neuve ou d'occasion? Trouvez-la parmi plus de 120 000 véhicules sur le nouveau site du Moniteur Automobile. Moniteurautomobile.be, l'actu auto en temps réel. Le 8-9. Avant d'aller à Liège voir des squelettes d'animaux avec Sarah Vis. D'animaux. Mais non, c'est Overphonique que vous avez dit, je ne comprends plus rien. C'est le live de Jean-Luc Fonck. Ah, le Jean-Luc, live, c'est en direct. Quatre mots, et on poète. Les mots sont passion, condensateur, cavalcade et papillon. Votre chanson s'appelle... J'ai attrapé le fil de mon casque, oui, dans le talon de ma chaussure. Il s'est immiscé dans votre talon. Écoute, oui, on ne va jamais ça à la radio. On va devoir tout annuler. Oui. On annule tout. Ça va, c'est bon, vous êtes prêts, vous avez enlevé le câble. Quelle affaire. Oh là là. Il chante comme un pied. Joli. On peut y aller, Jean-Luc, ou... Oui, attends, parce que c'est... Voilà. Non. Le titre de la chanson. Le titre, c'est Déconnect. Et à un moment donné, les paroles, il faudra chanter Déconnect. Allons-y. Doucement. Alors c'est assez grunge, trash. Grunge. Il y a des quelqu'un qui connaissent toujours tout mieux que toi. Tout ce que tu dois faire ou bien ce que tu dois faire pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais ils disent qu'ils le savent. C'est ça leur passion, c'est ça leur dada à ces gens-là. Dickeneck, Dickeneck, ce sont les Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, j'ai un peu des problèmes. Ils savent mieux que toi ce que tu as dans la tête, ou bien ce que tu dois mettre dans ton assiette. Ils font tout mieux que tout le monde l'est, Dickeneck, ils pensent tout mieux que tout le monde l'est, Dickeneck. Dickeneck, Dickeneck, ce sont les Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, ce sont les Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck. Si jamais t'es malade, c'est toujours plus grave pour eux. Si tu pètes un condensateur, à eux ça n'arrive pas, ils en auraient pété deux. Si quand t'as une voiture, ils en ont une plus grosse que toi. D'ailleurs, peu importe ce que tu as, ils en ont une plus grosse. En tout cas, Dickeneck, Dickeneck, ce sont des Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck. Je vais profiter du passage instrumental pour faire une petite réparation. Il triture son câble, il a un problème de câble, Jean-Luc. Vous avez raté. Non, non, non, pas se nerver. Attends ici. Les yeux décapotables avec un deux papillons. Oh, oh l'escroc. Les cavalcades à Neuilly en costume Armani. Dickeneck. Les Belges qui disent Bruxelles. Pour faire de l'Oriane, Dickeneck. Et tous ceux qui se reconnaîtront dans cette chanson. Dickeneck. Dickeneck, Dickeneck. Ce sont les Dickeneck. Dickeneck, Dickeneck. Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, ce sont les Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, à vous. Dickeneck, Dickeneck, ce sont les Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, ce sont les Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck, Dickeneck. Jean-Luc Faux, avec un câble dans le pied. Un autre câble qui ne fonctionne pas, Jean-Luc, bravo. Mais heureusement, une chorale exceptionnelle. Oh, on a récupéré un peu le coup. Hein, il y a eu un petit scratch. Merci, vous m'avez aidé. Ce n'était pas facile. Il y avait une de mes oreilles qui n'entendait pas, l'autre, comme c'est la mauvaise, elle n'entend pas. Et le poète-poète, il y en a eu qu'un. Avec, en fait, j'étais tellement prise dans la chanson que j'ai oublié les mots. Voilà. Si vous voulez, je poète quatre fois. Le voilà, monsieur qui a votre place quatre jours semaine, n'oublie jamais. Il revient lundi. C'est comme ça qu'on comprend les ennuis techniques en Formule 1. Tu vois, c'est un peu ça qu'ils doivent ressentir quand tu es dans ta voiture et que tu dis... Mais le câble dans mon pied, là, c'est... À revoir sur vivacité.be. La revue de presse aussi, on a parlé d'un big bisou de la reine Mathilde. Qui embrasserait Mathilde comme ça? Rendez-vous sur vivacité.be. Une pause et puis Sarah Viss nous emmène à Liège. On va parler zoo, animaux, c'est ça? Non, humain. Humain. Zoo humain. Rien compris, tout de suite. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils? Découvrez-le sur électrodépôt.be. Électrodépôt. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Annus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Mitsubishi. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Moi, j'aime le poulet et je ne suis pas la seule. Ah, c'est sûr, car nous aussi, on aime le filet de poulet. Pas vrai, petit? Oh que oui, à la poêle, au grill, au four. Et c'est si vite cuit. Oh, je dirais même, c'est cuit-cuit, monsieur Marquet. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos succulents filets de poulet sont à 3,14€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Jusqu'à 9h. le 8-9. Vivacité. 8h55, tout pile, la question dit d'intérêt général. Comment rebaptiseriez-vous la maison communale de Mons après les perquisitions au sein de l'Office des étrangers? Sur la page Facebook du 8-9, Pierre Van Meyrac propose Arnaque Queens. Oui. Joli. Fabrice Mas, la maison Stendhal, c'est en rouge mais au noir. Oh. La cuite du jour, le Parlement wallon vient d'approuver une résolution qui pousse les élus à placer des WC publics gratuits dans un maximum de communes. Comment nommeriez-vous cet arrêté de loi? À vous de vous lâcher, de répondre, de proposer sur la page Facebook de 8-9, correction, ce lundi. Sarah Viss nous emmène à Liège avec une expo sur des os humains. Oui, mais alors je vous dis déjà, donc ça va durer jusqu'au 23 décembre et l'endroit déjà vaut la peine, c'est la cité miroir. C'est l'ancienne piscine bain public des années 40, convertie en salle d'expo, ouais. Ça vaut vraiment déjà la peine. C'est une expo qui a été présentée à Paris, en Californie, en Suisse, en Allemagne. Elle est chez nous, donc voilà, c'est vraiment une chouette expo importante. Alors on se souvient des cirques, hein, où on exposait, on faisait des spectacles, on exposait des monstres humains, si on appelait ouais. ça comme ça, Elephant Men, des Lilliputiens, c'était c'est des nains. Ici, hein. Oui, c'est ça. C'est qui est la femme à barbe ici. La grande parade. Et l'homme tronc et le microcéphale. Mais c'est vrai que c'était tout un l'homme tronc, c'est Jérôme. Oui, mais, c'est vrai. Mais vous avez parfaitement raison de c'est le dire. C'est vrai qu'on ne voit que ça chez Jérôme, hein, ouais. son tronc. Ma maman écoute quand même à un moment, et même si elle le sait, ne lui rappelez pas tout. Bon, mais les os humains, c'est quoi? Donc c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas ce qu'on appelait des monstres, mais des sauvages, donc c'est-à-dire tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'on exposait à l'époque coloniale, donc on ramenait des gens des colonies pour les montrer vraiment comme dans des zoos. Alors ça a eu énormément de succès entre le début du 19e siècle et les années 30. Alors évidemment, on faisait des mises en scène pour rendre ces gens encore plus, enfin, ces spectacles encore plus spectaculaires. Fabuleux, oui. Voilà, les femmes étaient montrées seins nus alors qu'elles ne vivaient pas spécialement seins nus chez elles. Quand il y avait un nouveau-né, c'était comme Paradise, comme avec Baby P. On en faisait. C'est horrible. On ramenait les flamands. Non, c'est horrible. Non, c'est horrible, franchement. Ah oui. Et ça fait partie de notre histoire. C'est énorme. Hein. Il y avait 800 millions de visiteurs qui ont été voir des trucs comme ça. 30 000 personnes qui ont été exhibées. Souvent enlevés d'ailleurs dans leur pays d'origine. Donc c'est dur comme expo. Quand même. Voilà, c'est dur, mais c'est un pan d'histoire qu'on connaît vraiment pas. Et alors, comme c'est en Belgique, il y a une partie sur ce qui s'est fait en Belgique, parce qu'il y a eu des trucs. On a par exemple exposé un petit garçon de 10 ans dans le zoo d'Anvers comme un animal, quoi. Il y a eu à l'expo universelle de Bruxelles en 1897, on avait recréé un village congolais et c'était l'été, donc il pensait que ça allait bien se passer, sauf qu'il a fait dégueulasse, comme quoi ça existait déjà. Le temps dégueu à ce moment-là. Ouais. Et y a 7 personnes qui sont mortes de froid, de maladies, de virus qui connaissaient pas en Afrique. Quoi. Donc voilà, il fait froid peu... dans le studio tout d'un coup. Je sais pas. Oui, voilà, l'ambiance est un petit peu plombée là. Ça préparait, mais je trouve que c'est intéressant comme exposition. Voilà, on connaît pas. Et ça montre finalement comment ces zoos humains ont créé le racisme, le sentiment de supériorité qu'on peut avoir dans les mentalités occidentales. Donc voilà, c'est 5 euros par adulte la visite. Ouais. Puis il y a des films qui sont diffusés en masse. Justement comme Elephant Man, la Vénice Noire, Freaks, etc. Zoohumain.be, zo, Z-O-O, vous l'aurez compris, zoohumain.be, transition parce que c'est pas facile. Oui, non. Une petite blague, Jérôme de Warzé, en quelques secondes, pour rehausser tout ça. Vous voulez rire, Benjamin Maréchal, c'est vous qui le dites. Sur la une et sur Viva, il arrive, il s'installe. Bonne journée tout le monde et bon week-end. C'est terminé. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Denis, la Wallonie entière vous regarde parce que fête de Wallonie ce week-end, donc soyez à la hauteur.